الرحمن الرحيم. طيب يا أخانا بلال، إذا قال أحد حفظك الله، هذا دعاء للغير، وهل هذا منتقد؟ Est-ce que c'est critiquable le fait de dire le fait qu'une personne dise à une autre qu'Allah te protège? C'est pas منتقد. لا بأس به. نعم. وإذا قلنا حفظكم الله وإيانا، qu'Allah vous protège ainsi que moi. هذا منتقد. Ça c'est critiquable. أي نعم. كما تقدم. Et ça c'est la parole de qui? يا عثمان. أن. أي. ما تذكر. بلا شك أن هذا مبني على أحاديث وأدلة من الكتاب والسنة، لكن الذي ذكر هذه الفائدة منه الإمام الصنعاني، الإمام الصنعاني في سبل السلام، dans son livre سبل السلام، l'explication de بلوغ المرام. نعم. طيب نحن ما زلنا في دعاء المصنف لطلابه في شرح هذا الدعاء العظيم. On est toujours dans l'explication de la dua du musannif, la dua de l'auteur pour ses élèves et pour toute personne qui va lire ses écrits. طيب فقال أسأل الله. طيب عند قوله أسأل الله، lorsqu'il dit أسأل الله، الله لفظ الجلالة، لفظ الجلالة، وذكر جماعة من أهل العلم أنه اسم الله الأعظم. تمام. donc certains, un groupe de savants ont dit que le nom le plus élevé et le plus important parmi les noms d'Allah n'est autre que Allah. لفظ الجلالة. نعم. وهو المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، رواه أحمد بسند صحيح. Et c'est le nom visé dans la parole du prophète عليه الصلاة والسلام lorsqu'il dit certes cet homme a invoqué Allah par son nom le plus énorme, celui par lequel, si on l'invoque, il nous exauce, et si on lui demande, il nous donne. فحري بنا أن ندعو الله عز وجل بهذا الاسم العظيم الذي هو لفظ الجلالة. Donc c'est une chose importante que tu invoques Allah عز وجل par ce nom-là. لا بس أن تقول الرحمن ارحمني، لكن الاسم الأعظم هو الله عز وجل. Donc ça t'est permis de dire par exemple oh toi le tout miséricordieux يعني fais-moi miséricorde. هذا جيد، لكن le nom le plus important d'Allah عز وجل n'est autre que لفظ الجلالة. نعم. نعم. عليك السلام. طيب ولهذا الاسم خصائص Et ce nom, il a des particularités que vous n'allez pas trouver pour un autre nom parmi les noms d'Allah Azza wa Jal. Ce nom, il a des particularités que vous n'allez pas trouver pour un autre nom parmi les noms d'Allah Azza wa Jal. Parmi ces particularités, فمن خصائصه أن هذا الاسم أصل لجميع أسماء الله الحسنى. Parmi ses particularités, le fait que ce nom, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal, l'Afdhul Jalala, c'est la base de tous les autres noms. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rauf, Al-Wadud, Al-Tabib, tous les noms, leur base, c'est l'Afdhul Jalala. Tous les noms, ils découlent du nom Allah Azza wa Jal. Du nom Allah. T'as-y? وسائر الأسماء مضافة إليه يوصف بها. تمام؟ Et tous les noms, c'est-à-dire ça c'est sa première particularité, c'est que Allah c'est la base de tous les noms. Et tous les noms, ils sont affiliés à ce nom-là. ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها. Allah سبحانه وتعالى dit, et à Allah appartient les noms. Appartient les meilleurs noms, invoquez-le par lui. La ilaha illallah al-hayyul qayyum. La ilaha illallah al-hayyul qayyum. Tamam. Donc tous les noms autres que Allah Azza wa Jal, ils sont affiliés à l'Afdhul Jalal. Ils sont affiliés au nom Allah Azza wa Jal. Donc ça c'est la première des particularités de ce nom. La deuxième des particularités de ce nom, c'est que Il implique le sens de la totalité des autres noms. Il implique le sens de la totalité des autres noms. Ma ma'na hadha al-kalam. C'est quoi le sens de cette parole? C'est-à-dire que lorsque tu dis Allah, ça sous-entend Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Wadud, Al-Qahar, Al-Jabbar, il a Akhir Asma'a, jusqu'à la fin de tous ses noms. Mais lorsque tu dis Ar-Rahman, ou Ar-Rahim, ou Al-Wadud, ça n'englobe pas tous les noms d'Allah. Il n'y a que le nom Allah qui englobe la totalité des sens des autres noms. C'est compris, hein? طيب. وكذلك من خصائص هذا الاسم أنه اقترنت به عامة الأذكار المأثورة كالتهليل والتكبير والتحميد والتسبيح والحوقلة وغيرها من الأذكار. Donc fait partie des particularités de ce nom. C'est que la plus grande partie des adhkar comprennent ce nom-là. Lorsque tu dis at-tahlil, la ilaha illallah, tu pourrais dire la ilaha illa ar-Rahman, la ilaha illa al-Wadud, la ilaha illa ar-Rahim. Wa ma'a dhalik, tu dis la ilaha illallah. Tu pourrais dire يعني الرحمن أكبر لكن تدي الله أكبر الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله تبغي دير لا حول ولا قوة إلا الرحمن إلا بالرحمن لكن تقول الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Donc la plupart des adhkar elles sont pratiquées avec en utilisant le nom Allah. Tout ça, ça vous montre quoi? L'importance de ce mot-là, l'importance de ce nom. Et que c'est bel et bien le nom le plus important des noms d'Allah Azza wa Jal. طيب ومن خصائص هذا الاسم انه اكثر اسماء الله الحسنى ورودا في القران الكريم كذلك c'est le nom le plus utilisé et le plus évoqué parmi les noms d'Allah Azza wa Jal dans le Coran. Combien de fois il a été évoqué dans le Coran, Moussa, le nom d'Allah Azza wa Jal? Allah a'lam, Allah a'lam. حمزة الله أعلم الله أعلم اسماعيل ما تذكرنا المسألة هل فائدة لما كنا ندرس في تلك حجتنا طيب ذكر اسم أو لفظ الجلالة في القرآن أكثر من 2200 مرة. Le nom d'Allah Azza wa Jal, il a été évoqué dans le Coran plus de 2200 fois. Plus de 2200 fois. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a commencé environ 33 versets par ce nom-là. Il a commencé 33 versets par ce nom-là. Mais ça, tu peux te dépasser la chasse-là? Al-Bahar, là, il y a sa belle Al-Bahar, là, il y a sa belle basmala, il l'a, l'a-t-il qu'un autre dans une sourate al-Nam. Sauf la basmala qui est venue dans sourate al-Nam. إنه من سليمان إنه بسم الله الرحمن الرحيم تمام نعم فبهذا تعرفون أن هذا هو اسم الله الأعظم avec ceci vous comprenez mieux que ce nom là n'est autre que le nom d'Allah الأعظم أسأل الله الكريم أسأل الله الكريم الكريم كذلك اسم من أسماء الله عز وجل اسم من أسماء الله عز وجل ومعناه ما معنى الكريم معناه الكثير الخير الكريم c'est celui qui a beaucoup de bien معنى الكثير كثير الخير et d'autres ont dit que عظيم النفع وهو من كل شيء أحسنه وأفضله. Et d'autres ont dit que c'est la chose dans laquelle il y a énormément d'utilité. وهو من كل شيء أحسنه. وهو من كل شيء أحسنه وأفضله كما ذكر ابن القيم. Et c'est de toute chose la meilleure. Certains ont dit c'est ce qui est de toute chose la meilleure. Yani ma'na al-karim. Tamam? Et si tu retiens juste que c'est yani kathir al-khair, hada huwa al-ma'ruf 'inda an-nas. Anna al-karim kathir al-khair. Na'am. Tayyib. Wa min bab al-fa'ida warada هذا الاسم اسم الكريم لله عز وجل في القرآن ثلاث مرات. Selon là, il a été confirmé dans le Coran pour Allah عز وجل dans trois endroits, dans trois sourates. من يحفظ جزء عمه؟ ها؟ طيب. Celui qui retient le juz amma, il peut nous sortir déjà un verset dans lequel il y a le nom Al-Karim, Lillahi Azza wa Jal. Ya Rabbi Kalifa. Ya Rabbi Kalifa. Ya Rabbi Kalifa. tout de suite. Hein? Surat al-Fitar, eh, n'am. Jamil. Wabad. Oh, allez. Wabad. استحضار الأدلة صعب جدا. De faire revenir le verset d'un seul coup comme ça. Ils sont, non, il y en a trois dans le Coran, mais il y en a un qui est dans les Allemands, que tout le monde connaît. Là, là, t'as dit la surat, t'as dit c'est une fitar. Surat et une fitar. Non, il y a le Karim, juste, on veut le verset, dans le verset dans lequel il y a le nom d'Allah, le Karim. L'infitar. Ya ayyuha l'insan, mada? Ma gharraka bi rabbika al-karim. Rabbika al-karim. Donc le al-karim là, c'est un nom parmi les noms d'Allah qui sont confirmés dans ce verset là. Tamam? Taïb. Dans كذلك سورة نمل verset 40 الله سبحانه وتعالى يقول ومن كفر فإن ربي غني كريم فإن ربي غني كريم dans سورة النمل verset 40 نمل verset 40 et enfin dans سورة المؤمنون dans le dernier verset, sourate 116, verset 116 plutôt. Fata'ala Allahu al-Malik al-Haq. La ilaha illa hu Rabbul Arsh al-Karim. Tu peux dire Rabbul Arsh al-Karim et tu peux dire Rabbul Arsh al-Karim. Si tu dis Rabbul Arsh al-Karim, al-Karim c'est un adjectif qui est en lien avec Allah Azza wa Jalla. Non. Et si tu dis Al-Karimi, ça suit le Arsh. C'est un sifa pour le Arsh. Ça va? À la kulli hal, hadi ibara an fawa'id. Dans surat Al-Mu'minun, les croyants. Verset 116. طيب أسأل الله الكريم رب العرش العظيم الرب قد مرت معنا في تفسير شيخ أبي عم ما هو تعريف الرب ما معناه يا محمد ومي الخبيثون أي نعم celui qui éduque. الرب هو مربي جميع المخلوقات. Donc vous notez, الرب هو مربي جميع العالمين. الرب c'est celui qui éduque la totalité de l'univers. C'est ça le sens précis du mot الرب. C'est celui qui éduque la totalité de l'univers. وتربية الله لخلقه نوعان. Et l'éducation d'Allah Azza wa Jal pour ses créatures, elle est de deux sortes. T'as quoi, Ya Mohamed? Cette faïda, tu m'as fait quoi? Aïe. Ah, Hamza. Hamza, il a levé, il a revu, c'est tout de suite. La globale est. Aïe, aïe, n'aim. Tarbiyatullah al-amma wa al-khassa. Taïd. Donc elle est de deux sortes, une éducation globale et une éducation spécifique. Taïb, la globale elle concerne qui, Hamza? La globale elle concerne toute la création. Voilà, la globale elle concerne toute la création. فالعامة هي هدايته لجميع الخلق لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا. Donc la globale c'est celle avec laquelle il va guider la totalité des créatures dans ce qui vont dans leur intérêt pour leur préservation dans ce bas monde. C'est clair ? Non. Wal khassa liman ya Hamza ? C'est pour les croyants. Naam, al khassa lil mu'minin fa hasb. Al khassa c'est juste son éducation spécifique, c'est, elle est spécifiquement et purement vouée aux croyants. والخاصة تربيته لأوليائه فيربيهم للإيمان ويوفقهم له ويكملهم ويدفع عنهم الصوارف التي تصرفهم عن ذلك الخير. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, sa guidée spécifique, elle n'est proprement et purement vouée qu'à ses alliés, les croyants. C'est-à-dire il les éduque dans la foi. Et fait partie de cela, talab al-ilm. Man yurid Allahu bihi khayran yufaqihuhu fi ad-din. Celui à qui Allah veut du bien, il lui enseigne la religion. Fa لو كنا نعلم مقدار هذه المجالس ومقدار هذه الدروس والله لشكرنا ربنا أكثر وأكثر. Et si vraiment on prenait considération de la valeur de ce genre de cours, de ce genre d'assises, on remercierait Allah Azza wa Jal أكثر وأكثر. فإن العلم نور. فإن العلم نور. كم من الناس تمادى في الباطل عن جهل. Combien de gens ils sont rentrés dans, ils sont plongés ou ils ne cessent d'être dans des choses fausses et erronées par l'ignorance. وهذا في باب العقائد وفي باب التجارة والبيع والشراء وفي باب كذلك المناكحات النكاح. Même ça, c'est dans le chapitre de la aqidah. Tu vas trouver des gens comme ça. Ça dans la vente, dans le commerce, même dans le mariage. Mais ça va. Adam al-ilm, waqa'u fi dhulumat. Ba'daha fawqa ba'd. Na'am. Al-ilm nour. Al-ilm nour. Et donc, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala il te waffaq pour faire talab al-ilm, ça montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala ikhtaraka. من بين خلقه كي تاشوزي au milieu de toute sa création pour apprendre sa religion et pour être sur une chose matine à la bayina. نعم طيب. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم. العرش العظيم, العرش ما هو؟ العرش ما هو؟ الترون. العرش سي الترون يعني لو كاليفي كما ذا نترجمي كما ذا. العرش سي الترون مي اون عرب يديز سرير الملك سي لو لي دو روا. تعريف العرش. العرش في اللغة, العرش في اللغة هو سرير الملك. Le trône selon la langue arabe n'est autre que le lit du roi. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو. Là dans sourate Naml, verset 42. Lorsque on a demandé, ou quand Suleyman il demande à la reine de Saba, après que le djinn soit parti dans son pays, le pays de la reine de Saba, et a pris son arche et l'a ramené auprès de Suleyman, il a dit à la reine de Saba, il lui a demandé, est-ce que c'est ton arche? Sarir al-Malik, le lit du roi, en l'occurrence le lit de la reine. Est-ce que c'est ton arche? Elle a dit, on dirait que c'est celui, on dirait que c'est lui. Ça va? Ou à Kazal et Kafisourat Yusuf. Il y a une fois dans le نعم أحسنت. فكذلك ننبه إخواننا على ما يحصل في بعض تراجم المصحف وغير ذلك أنهم يعني يترجمون آية الكرسي en disant que c'est le verset du trône. آيات الكرسي. Certains prétendent que c'est le verset du trône. Ils le traduisent comme cela. Alors que آيات الكرسي, c'est pas le verset du trône. Le trône, c'est l'arche. تمام؟ Si c'était le verset du trône, on aurait dit آيات الارش. لكن هذا الكرسي. والكرسي ما هو؟ Et le كرسي, c'est le repose-pied. C'est qui t'a enseigné que c'était le repose-pied, Uthman? ما دليلك في ذلك؟ محمد؟ ها؟ لا repose-pied. موضع قدمي. موضع القدمين. طيب سنة حديث عبد الله ابن عباس وسين بقول عبد الله ابن عباس ولكن بقول عبد الله ابن عباس تمام لكن le compagnon s'il parle sur une chose de l'invisible alors on dit que ça a le jugement de la comme si c'était la parole du prophète عليه الصلاة والسلام. Pourquoi? Parce que les sahaba كلهم عدول, ce sont tous des gens de confiance. Ils ne vont pas parler dans des choses de l'invisible si ce n'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a informés. À l'exception des compagnons qui ont été connus, qui sont connus pour avoir fréquenté les juifs et avoir pris de leur science. C'est Ibn Abbas qui a dit ça. Comme c'est venu dans Mada, comme c'est rapporté de manière authentique dans le livre As-Sunnah du fils de l'imam Ahmed, Abdullah ibn Ahmed ibn Hanbal. On ne peut pas toujours tenir compte des paroles des sahaba, ça dépend. Parce qu'ils ont le statut, raf. Ouais, hukm al-raf. Mais les savants, ils disent que ça reste qu'un sahaba. Non, ça dépend. Il y a la parole du sahabi, la parole normale, adi. Et il y a la parole qui a le hukm al-raf. La parole qui a le hukm raf. Par exemple, celui qui vient, il dit, au temps du prophète, on sortait la zakat en ta'am, en nourriture, comme dans le hadith de Abi Sa'id. Ça, là, là où hukm raf. Ça, c'est comme si il remontait l'affaire au prophète, ou lorsque Anas ibn Malik dit, min as-sunnah an yabit 'inda الثيب ثلاثة أيام وعند البكر سبعة أيام. وكما قال أنس بن مالك lorsqu'il dit fait partie de la sunna que l'homme qui vient se marier à plusieurs femmes, il si c'est une nouvelle femme, c'est une femme qui était déjà mariée, qui a déjà connu le mariage, il doit rester chez elle 3 jours. Si c'est une vierge, alors il doit rester chez elle 7 jours. Lui Anas il a dit fait partie de la sunna. Il n'a pas dit qala rasulullah. Tamam? Mais juste qu'il est, le fait qu'il ait dit fait partie de la sunna, ça a le jugement de raf. Comme si c'était un hadith du prophète. Tamam? Donc, ça, c'est les hadiths, les paroles des compagnons qui ont le jugement raf. Si ça remonte bien jusqu'aux compagnons, c'est pris comme un hadith du prophète. Dans la parole de l'Abu Sa'id, sur la rencontre. نعم وأنا أرى أن سورة الكهف الجمعة سنة ثابتة حتى وإن كان الشيخ يحيى لا يرى ذلك. نوقش كثيرا لا سيما في الآونة الأخيرة. Il y a pas longtemps il a eu un débat avec certains de ses élèves sur le fait de reconnaître que la سورة الكهف le vendredi c'est vraiment une sunna. نعم. Et أقل أقوال حتى même quand tu vas lire dans son livre أحكام الجمعة, tu vas voir qu'il te dit la baisse, c'est bon, c'est lui qui la lit le Jumu'ah la baisse par rapport au hadith de Abi Sa'id. On peut pas vraiment dire que il est tombé dans une bid'a ou là. Ben non, on ne peut pas dire qu'il est tombé dans une bid'a. Le hadith est confirmé, il est authentique. Et c'est des choses que Abu Saïd il n'aurait pas pu connaître, si ce n'est avec un hadith du prophète alayhi salatu wa salam. À la kulli hal, هذا هو. Le hadith d'Abu Saïd. Allahu a'lam, Adhan Tirmidhi. Et Inch'Allah, je te. Mais ils avaient dit qu'il remontait pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il remontait bien. En fait, c'est une parole de Abu Saïd al-Khudri. Ça veut dire, lui, il parle et il dit que celui qui lit Surat al-Kaf, il se passera ceci, ça. Ça fait partie de l'invisible. Voilà. Voilà. Naam. Naam. Et tout comme Shiraha, il est revenu. وَهَذَا شَأْنَ الْعُلَمَا يَا إِخْوَا هَذَا شَأْنَ الْعُلَمَا أَنَّهُمْ يَفْتُونَ فِي بَعْدَ الْآوِنَةِ بِبَعْدِ الْفَتَاوَى ثم يبدأ لهم غير ذلك مما أفتوا قديما. Et ça fait partie des qualités des savants, que des fois ils vont donner des fatwas et plus tard, après avoir eu plus de preuves ou après avoir eu plus de recul ou quoi, ils vont donner une fatwa contraire. كان الشيخ يحيى في بداية الأمر وفي دماج وفي صنعاء وغيرها كان يفتي في صلاة الجنازة برفع اليدين عند التكبير الإحرام فقط. Il était de la vie comme quoi dans la salat al-janaza tu lèves les mains juste pour le takbir al-ihram lors de la salat al-janaza, t'as 4 takbir à la sahih, t'as 4 takbir à ta fer et tu lèves les mains que dans la première. Ça c'était la vie de Cheikh il y a quelques années. Ensuite là à Mecca, lorsqu'il était dans son livre, dans l'explication du livre Al-Muntaqa, ils sont arrivés sur le Kitab Al-Janaza et ils sont passés sur le Hadith. Et à un moment donné, il y a eu une munaqasha entre lui et certains de ses élèves, qui sont des mashaykhs, mashaykhs ilm, et qui lui ont dit la même parole que Mohamed vient de dire, sur le fait que là, on a un Hadith de Abdullah ibn Umar qui est confirmé. Abdullah ibn Umar, il levait les mains à chaque takbir de la prière al-janaza. Il dit comment Abdullah ibn Umar, qui est un grand compagnon, qui a l'azim le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'il était jeune, il va faire cette chose là sans qu'il ait vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car Abdullah ibn Umar, il était connu pour suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans toute chose. C'est-à-dire, même s'il avait vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam uriner dans un endroit, il essayait d'uriner dans cet endroit-là. Tellement il voulait suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans toutes ces choses. Donc ils ont dit, comment le hadith il est authentique sur Abdullah ibn Umar, même si on n'a pas d'autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam indiquant cela, comment on ne prend pas l'œuvre d'Abdullah ibn Umar? Ça va ? فازداد الأمر عند الشيخ وبحث في المسألة وراجع باليوم الثاني ببحث عجيب جدا ونافع وتراجع عن رأيه الأول. Il est revenu sur son premier avis après ce débat qu'il avait avec ses élèves. Il est rentré chez lui, il a fait une recherche encore plus approfondie et il est revenu le lendemain en ayant changé d'avis et que la prière al-janaza, tu fais bel et bien 4 takbirat en levant tes mains. Pareil pour la zahar, pareil pour la salat du Eid. Lakin ma astati' an aqul lak hadha kalam shiriha. طيب الظاهر من صلاة العيد يعني يرفع الأيدي والله تعالى أعلم. طيب ونكتفي بهذا القدر في مسألة العرش وأنه سرير الملك. طيب